Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. Le mois d'octobre est le mois de la liquidation des modèles 2017 chez Dolbeau Auto. Des rabais allant jusqu'à 1 500 $ sur nos camionnettes Silverado et Sierra. Dolbeau Auto est situé au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0580. Toute l'équipe de Dolbeau Auto vous invite à acheter localement pour garder nos emplois ici. Ça a passé il y a quelques semaines dans le Nouvel Hebdo. Il y a eu une offre d'emploi de la ville de Dolbeau-Mistassini pour trouver un coordonnateur pour 4 associations sportives, soit le centre de ski de Domiski, également le centre civique de Dolbeau-Mistassini, également l'été, ça va être le soccer et aussi le golf. Et question de savoir un peu, parce qu'il a été trouvé, ce coordonnateur-là, il s'agit de Dave Lamontagne. Question un peu de le connaître davantage, on lui parle. Salut Dave! Bonjour Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Dave, d'abord pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un gars de Dolbeau-Mistassini, tu as fait des études en loisirs? Oui, je suis de Dolbeau-Mistassini. Moi, j'ai fait des études en administration des affaires, en fait, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Ok. C'est un gars qui a toujours été aussi impliqué dans le sport, là. Donc, j'ai joué au football, j'ai entraîné au football, là, dans des ligues de hockey aussi, j'ai été gestionnaire de ligue, même à l'université aussi. C'est un gars qui démarre des projets, là, notamment le Festival des Brasseurs à Dolbeau-Mistassini. Donc, j'avais de l'expérience en événementiel. J'ai aussi participé au démarrage du marché Wahlberg, là, jusqu'à... Oui, c'est vrai. Donc, je suis quelqu'un de projet. Puis, j'avais beaucoup de compétences en administration, c'est-à-dire que ces organismes-là avaient des besoins à ce niveau-là, précisément, et aussi en loisir, dans le fait quelqu'un qui est impliqué dans le sport, puis qui... Moi, je suis un usager du centre Domiski, puis je suis impliqué un petit peu partout. Donc, je connaissais bien ces organismes-là, puis je désirais m'impliquer aussi dans un deuxième temps pour la municipalité. Fait que là, je faisais une pierre deux coups là, à ce niveau-là. OK. Là, ton défi, là, ton premier défi, c'est le centre civique et également le centre de ski de Domiski pour être un petit peu impliqué. Au centre de ski de Domiski pour aller chercher des commandites. C'est pas facile année après année. Ils ont fait quand même une bonne année. As-tu quand même des idées pour relancer le Domiski et également le centre civique? Toujours la même maudite affaire, c'est l'argent, hein? Oui, ben c'est sûr qu'au niveau de l'administration, au niveau de la gouvernance, c'est sûr que je peux aider à ce niveau-là. Dans un premier temps, c'est le volet opérationnel, hein. C'est d'assurer les opérations, puis qu'est-ce qui peut être amélioré sur ce qui existe déjà en optimisation, en amélioration continue. Moi, j'ai eu des formations là-dedans. Donc, premièrement, on va analyser un petit peu les dépenses, les revenus. Puis comme tu dis, c'est sûr qu'il faut faire place à des nouvelles idées, que ce soit des stratégies de communication. On va essayer de faire connaître un petit peu plus la discipline. Il faut toujours rentrer ça dans les écoles un petit peu plus. Côté de Domiski, ben est-ce qu'on se dit est-ce que pour faire plus d'événements, est-ce que c'est-tu des réflexions stratégiques aussi qui peuvent être faites en lien avec le conseil d'administration? Là, c'est sûr que c'est un gars qui a plein d'idées. C'est sûr que ça va se faire en collaboration avec ces organismes-là. Je suis pas nommé comme porte-parole officielle, puis c'est à ma deuxième journée, là. Mais c'est plein d'idées comme ça que je veux essayer là, d'apporter. Puis voir aussi si ces organismes-là ont des besoins en commun. Il peut y avoir des partages de ressources et ça. Il est dans l'approvisionnement aussi. On gère des restaurants dans tous les organismes. Bon, ben il y a quelque chose à faire en volume. Il y a plein dans le camp de jour aussi qu'on peut emmener. Il y a plein d'idées là que je veux apporter, mais il faut que ça se fasse tranquillement, là, étape par étape. Là. C'est quoi ton premier... Là, tu dis que c'est ma deuxième journée de travail. C'est quoi ton premier défi? Tu t'attaques à quoi, là? Puis comment est répertorié ton horaire? Parce qu'il faut savoir que tu t'as 20 heures probablement au centre civique, t'as une vingtaine d'heures également à Domiski. Comment c'est répertorié, tout ça, là? Écoute, je suis quand même... ce qui est agréable, je suis quand même assez autonome dans la gestion de mon horaire, là, et puis... c'est de voir un petit peu, il me laisse un petit peu aller avec ça, là. Là, c'est vraiment, c'est la structure interne, comment ça va fonctionner, là, tu sais, l'ordinateur, les bases de données informatisées, mon adresse courriel, etc., puis participer au conseil d'administration, même des quatre organismes, et puis aller à la rencontre des présidents, puis c'est de faire le tour. C'est important de faire une tête, là, justement, là, c'est quoi leurs attentes, qu'est-ce qu'ils s'attendent du coordonnateur, et puis il y avait déjà, c'est chaque organisme avait déjà des coordonnateurs embauchés un petit peu. Il y avait un domicile qui était saisonnier, il y avait déjà un coordonnateur au centre civique, donc c'est reprendre dans un premier temps ces tâches-là, voir un petit peu c'est quoi leurs besoins, puis tranquillement, pas vite, c'est là que je vais emmener mes idées. Mais à court terme, c'est sûr que là, je suis cette semaine là, au niveau de Tomiski. Là, j'ai assisté à un conseil d'administration hier soir. Puis là, on travaille vraiment notre structure interne. Et puis au niveau financier puis tout ça, ben c'est qu'est-ce qui nous attend? Ben, prévision budgétaire, puis démarrage de saison là, qui s'en vient à grands pas. Puis là, je sais qu'au niveau du centre civique, là, je vais aller donner un petit coup de main bientôt aussi. Là, c'est déjà bien rodé. Là, puis les tournois sont organisés, ça roule bien, là, fait que ça va être vraiment là, plus au niveau du sport. Il y a un petit peu plus d'organisation à faire là, au niveau de peut-être de domicile. OK. Justement, est-ce qu'il y a c'est une synergie, les quatre se sont payés, les quatre se sont associés ensemble pour vraiment payer un directeur, donc c'est toi, autrement dit. Y a-t-il moyen, j'imagine, de faire une synergie entre ces quatre organisations-là? Parce que plus il va être regroupé, mieux ça va être, j'imagine. Je le crois un petit peu aussi, mais je ne veux pas m'avancer trop vite. Je n'ai pas encore rencontré toutes les organisations. Peut-être que ce ne sera pas une solution. Je crois que ces organismes-là sont déjà... Il y a une belle implication au niveau des bénévoles. Il y a déjà une gouvernance. Parce que moi, je suis plus coordonnateur. J'arrive en support pour reprendre des tâches. Puis peut-être s'ils veulent de la relève, bon ben on va vraiment analyser avec eux, c'est de l'accompagnement. Et puis tu sais, est-ce que là, tu parles, c'est sûr qu'il va avoir une association ou quoi que ce soit, il est vraiment trop tôt pour le dire. Puis c'est à eux justement ou à ces conseils d'administration-là à continuer de gouverner de façon bénévole. Ben, c'est ce qui fait que on est capable de sauver des coûts puis d'opérer là. Donc tu sais, moi c'est vraiment, c'est un essai qu'ils font, donc j'ai un contrat d'un an, puis là, je vais les aider le plus possible à amener des idées, mais aussi dans les opérations. Mais est-ce que ça va finir en association? Mais tu sais, il peut y avoir des partenariats qui peuvent se faire, ça, c'est sûr, sans être associé. Je parlais en gestion d'approvisionnement, tout le monde va faire des restaurants, mais il y a-tu de l'économie d'échelle à faire là? Ressources matérielles, tu sais, au lieu de faire de la location, ben, ils ont besoin de trailer ou n'importe quoi, de camion ou quoi que ce soit. Ou peux-tu avoir un partage? Je pense qu'il y a des gains à faire là au niveau de l'efficacité et des coûts, là, parce qu'il y a peut-être des coûts fixes ou en comptabilité, tout ça qui sont récurrents, puis qu'on va pouvoir analyser et dire, ben écoutez, là, on va se trouver une ressource commune pour ça aussi, pour ce service-là, pour ça, puis vraiment essayer d'aller optimiser le plus possible, là, puis rendre ça financièrement le plus viable possible, parce qu'on sait que la ville, pour la plupart dans le passé ou encore aujourd'hui, là, va aider là, ces organismes-là. Donc, faut essayer de diminuer l'apport de la ville, essayer d'en faire plus. Là, donc, c'est toutes des choses comme ça qui m'attendent. OK, là, OK. Comment tu trouves ça d'avoir quatre CA? Spécial pareil, là, parce que toi, tu vas te rapporter à 4 CA. C'est quelque chose. C'est un beau défi, là, on ne se le cachera pas. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent être faites. Puis, je suis quelqu'un qui aime travailler, donc je ne me limiterai pas à 40 heures. Ça, c'est essentiel. Puis, au début, ça va être beaucoup d'ajustements. Tu ne peux pas tout reprendre. Ça va de. Puis, je pense que les quatre présidents et les deux présidents, je pense qu'on est conscient de ça, qu'on a eu des bonnes discussions de départ. Je pense que c'est important de partir du bon pied. C'est-à-dire que, regarde, là, c'est une première année pour moi. Beaucoup de connaissances, il faut que j'apprenne les systèmes. On va implanter des choses. Avant de comprendre tous les mécanismes, comment que la gouvernance marche, les rôles, les responsabilités de tout le monde. Avant que j'en reprenne trop, je pense qu'on va y aller étape par étape. On ne visera pas des coups de 6 plus à commencer dans chaque organisation. Je pense qu'on va y aller étape par étape. On va faire des petits pas. Ensemble, on va évoluer là-dedans. Ça, c'est important pour moi. C'est que c'est vraiment, là, puis tout le monde est conscient, regarde, on va s'ajuster. Puis possiblement qu'après un an, on va se rencontrer, mais on va dire, bon, ben, voici ce qui a bien noté, voici ce qui a moins bien noté. Il y a peut-être des mois où ce que je vais être sollicité par les quatre vont avoir des besoins. Bon, on voit déjà, là, quand on va en faire un tour, on va s'ajuster parce que Domitsky avait un coordonnateur à temps plein d'hiver seulement pour Domitsky, là, le partageur de la scientifique. La préparation de la saison de golf qui va être au niveau peut-être aussi du mois de mars, c'est tout. Des fois, il va y avoir des périodes où ça va être un petit peu plus tranquille, puis on va avoir des périodes où je vais surcharger. Donc, je pense que c'est de l'ajustement là, dans tout ça. Puis, on s'en va un petit peu vers l'inconnu. Mais en même temps, les quatre organismes roulent. Il y a déjà beaucoup de bénévoles impliqués. Donc, je pense que, somme toute, là, ça va s'harmoniser là, au fil du temps. Ça devrait être bien aller. OK. Hey, là, c'est quoi ton premier mandat? C'est de trouver des concessions? C'est trouver des concessions alimentaires, les restaurants, pour les gens qui... est-ce que ça, c'est trouvé? On a pas mal... des concessions, là, on a déjà des employés, là, au niveau de Domitsky. Puis Centre civique aussi, là, il y a des bénévoles qui opèrent. Donc, je pense pas que ce soit au niveau des concessions, là, pour... Et comme je vous dis, là, je viens juste d'arriver, j'ai même pas rencontré, j'ai fait un conseil d'administration, fait que je veux pas trop m'avancer non plus, là. Je suis ni porte-parole, je suis pas nommé porte-parole de cet organisme-là non plus. Donc, c'est vraiment, là, ça va prendre le temps d'aller les rencontrer, puis comme ça, je vais être en mesure de plus donner des détails au fil du temps, là. Mais, c'est pour le moment, là, on tombe dans, je suis vraiment dans Domitsky scientifique, là, puis, Domitsky, c'est vraiment au niveau là, justement là, de la structure interne, puis qui fait quoi, puis le démarrage des opérations, le plan de formation qui vient avec ça, et puis un budget, puis c'est au niveau financier, là, savoir où est-ce qu'on s'en va, avant de tomber bientôt dans une planification stratégique pour les prochaines années. OK. Donc, on se reparle sûrement un autre tantôt. Dave, c'est quand même très, très intéressant comme concept. J'ai l'impression, à force de t'écouter, c'est un gros, gros mandat. Là. C'est une grosse job, là, relever tout ça. C'est tous des organismes quelque part qui ont des besoins criants. Et je suis pas sûr que tu vas avoir juste besoin de 30 heures. Ça va être des semaines de 50, 60, 70 heures, j'ai l'impression. Ouais, on parle de soir, on parle de fin de semaine aussi, parce qu'il y a des activités que c'est la fin de semaine. Comme le domicile, là, c'est la fin de semaine que ça se passe, faire des fêtes aussi. Puis on est plus conscient de. Tu sais, je vais en donner une très grosse année au départ. Je vais essayer d'en faire le plus possible, surtout avec mes compétences que j'ai en administration aussi, là, vraiment analyser les états financiers puis tout ça, puis me faire la main, puis de faire du travail de terrain aussi. Comment que ça va aboutir, c'est ça, comme vous dites, là, c'est un gros mandat. Peux pas manquer d'ouvrage. Là, c'est bon, même pour qu'on a encore ça, puis qu'on limite un petit peu, pour cette année, c'est ça qu'on priorise. Même si on sait que ça a fait, mais je pense que c'est évident qu'à un moment donné, c'est ça, là, va falloir se trouver un milieu. Je pense en fait le défi, c'est ça, là, c'est de doser puis de bien cibler les interventions, puis prioriser aux bons endroits pour aller chercher le plus de gains possible là, effectivement. Pour chaque organisme. Dave Lamontagne, gros merci puis bonne chance dans ton nouvel emploi. Bon, ben, ça fait plaisir. Le nouveau coordonnateur des quatre organisations du Centre de ski de Domitsky, du Centre civique, également du club de golf et aussi du soccer l'été, Dave Lamontagne.